الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنواصل بإذن الله جل وعلا وتوفيقه هذه الدروس في الفرق الضالة. On continue cette série de cours sur les sectes. Et le cours précédent, on avait étudié ensemble le groupe des Khawarij. واليوم ندرس أصول هذه الفرقة الرافضة. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. Aujourd'hui, on étudie ensemble le deuxième groupe, la deuxième secte, الروافض. أولا ظهور هذه الفرقة الهالكة. L'apparition de cette secte. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية. Donc celui qui a fondé ce groupe, c'est هذا الزنديق عبد الله بن سبأ اليهودي, un juif qui faisait apparaître l'islam. فسيتي أمنافق وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. Comme il a fait بولس, il traduit par Paul, في دين النصارى, أنه c'était un juif et il est rentré في دين النصارى لإفساده. فهكذا هذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي. قال ابن عساكر رحمة الله عليه في تاريخ دمشق عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبائية وهم الغلاء من الرافضة أصله من اليمن كان يهوديا. Il est d'origine du Yémen et il faisait apparaître l'islam. Et في الحقيقة c'est un يهودي, un juif. وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر. Il a parcouru beaucoup de pays musulmans pour propager son fikr, pour propager ses égarements et pour que al-muslimoun se rebelle contre leur gouverneur et tahsul al-fitna. C'était ça son but à hadha al-khabith al-yahoudi. A hadha al-munafiq tadhahara bil-islam, il a fait apparaître al-islam fi zaman al-khalifa al-rashid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, à l'époque de Uthman. Thumma أخذ ينتقل في البلاد الإسلامية لنشر فكره المنحرف. Il a visité beaucoup de pays musulmans pour propager ses égarements. فكان يطعن في عثمان رضي الله عنه. Il insultait et critiquait beaucoup عثمان رضي الله عنه, أمير المؤمنين à cette époque. ويكذب عليه. كان يكذب عليه حتى اغتر بهذا الزنديق بعض الجهلة. Jusqu'à ce que certains juhal irtarru bih, ils l'ont suivi fi fikri. Hatta safaru ay jama'atun min ha'ula ila al-Madina wa hasaru Uthman radiyallahu anhu fi baytihi wa qataluh. Hatta ils ont voyagé à Médine et ils ont encerclé la maison de Uthman hatta qataluh al-khubatha. Wa intashara kadhalik fi dhalika az-zaman. À cette époque, كذلك, l'époque de ce zindiq ibn Saba, intashara al-ghulu fi al-sahabi al-jalil Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ils ont critiqué Uthman, hatta, ils ont fini par le tuer, qatalahumullah, et كذلك, au même moment, ils ont exagéré sur Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa balagha bihim al-amr, ay as-sabaiyya, ay les suiveurs de Abdullah ibn Saba, annahum nasabu ila Ali radiyallahu anhu al-uluhiyya, ayyadam billah. Ils ont atteint un niveau fi al-kufri wa al-dhalal. Ils sont arrivés à un point, annahum, ils ont prétendu que Ali radiyallahu anhu al-sahabi al-jalil, c'était lui l'ilah. C'était lui Allah azza wa jalla, sallallahu alayhi wa sallam. فلما علم بذلك علي رضي الله عنه ألقى القبض على كل من استطاع من أتباع السبائية فأحرقهم بالنار. Quand Ali رضي الله عنه il a été au courant de ce groupe et cette croyance qu'ils avaient, il a arrêté la plupart de هؤلاء وأحرقهم بالنار. Il les a brûlés. وهرب عبد الله بن سبا. أما المؤسس le fondateur عبد الله بن سبا فهرب. والله أعلم ماذا حصل له. وابن عباس رضي الله عنهما أنكر على علي رضي الله عنه إحراقهم بالنار. لأن هناك حديث ابن عباس إلى سيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. لأن العذاب بالنار من عذاب الله عز وجل. أنه لا يقدر أن يشتي بالنار. لكن العلماء قالوا أن علي رضي الله عنه ما بلغه هذا الحديث. Il connaissait pas ce hadith. فَلِهَذَا أَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ وَإِلَّا لَوْ عَلِمَ هَذَا الْحَدِيثِ فَمَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ أَمَّا قَتْلُهُمْ فَابْنُ عَبَّاسِ il n'a pas reproché à Ali de les avoir tués, لكن la façon. وَمِنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ depuis cette époque وَإِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَهَذِهِ الْفِرْقَةِ الْخَبِيثَةِ تَمْكُرْ بِالْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ depuis cette époque أنهم ils ont tout fait pour tuer Uthman et ils ont exagéré sur Ali. Et jusqu'à aujourd'hui, al-khubatha yamkurun bil muslimin. Ils font du mal et ils propagent le mal. Wa nahnu dans cette kalima, on va étudier les fondements de cette secte hatta nakun ala hadar. Hatta on est ala ilm. Inna kathir min al-nas, ils connaissent pas la véritable identité de al-shi'a al-rawafid. Ils connaissent que le nom, bel ba'dahum, ils pensent que c'est des muslimins. Annahum ils se sont divisés avec Ahl al-Sunnah que sur certains points. Ka khilaf Ahl al-Madhahib al-Arba'a. Ka annahum c'est un madhhab parmi les madhahib. Alors qu'avec l'étude de leurs fondements, qu'on va citer de leurs propres livres, Incha'Allahu ta'ala, on va s'apercevoir anna ha'oula, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Min qarib ou la min ba'id. Amma tasmiyatuhum bil-rafidha. Al-rafd, lughatan c'est tark. Al-rafd, lughatan c'est tark. رفض أي لا دلسي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أيام هشام ابن عبد الملك أنهم كنت زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه كنت ils ont demandé sur Abu Bakr ou Umar. Et qu'est-ce qu'ils pensent de Abu Bakr wa Umar? Il leur a montré qu'ils sont des ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila akhirih, atna alayhim khayran, farafadouh, ils l'ont rejeté. Fa min dhalika al-yawm summu bil rafida. Qal idhhabu fa antum ar-rafida. Ay ceux qui délaissent, ceux qui refusent. Ay khalifat Abu Bakr wa Umar. Qal Sheikh al-Islam rahmatullah alayhi, inda khuruj Zayd ibn Ali fi awa'il المئة الثانية فسئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أثنى عليهم خيرا فرفضت قوم فسموا رافضة وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهم كما في الصارم المسلول لابن تيمية سألت أبي من الرافضة فقال رحمة الله عليه الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما إذا ما أكسبتي le rang et les mérites de Abu Bakr et Omar, bel ta'anu fihim. Ils les insultent, ils se moquent, ils mentent sur eux. Fahaoula, al-ulama, ils les appellent al-rafidha, ou al-rawafid. Wa min asma'ihim kadhalik, al-shi'a. Ils sont connus l'an bil-shi'a. Wa illa fil haqiqa, c'est des rawafid. Aghlab al-shi'a l'an, la grande majorité l'an, c'est des rawafid. Kadhalik, ba'duhum, ils les appellent al-ja'fariyya. وبعضهم اللي زابل الإمامية لأنهم يزجزجر sur leurs imams. وبعضهم ils les appellent الاثنى عشرية لأنهم ils ont la conviction que 12 imams, Ali le premier رضي الله عنه et 11 après lui de sa descendance, أنهم ils sont معصوم إلى آخره. بعضهم ils les appellent الإسماعيلية وأسماء. Et en réalité, certains divergent dans certains points, mais les fondements c'est les mêmes. فنحن dans ce درس on les appellera الرافضة أو الروافض. أما أصولهم, leurs fondements, et si on connaît leurs fondements, le nom ça ne changera rien. Que واحد il les appelle شيعة, واحد il les appelle رافضة, واحد il les appelle إسماعيلية, ça dépend de بلدان. كذلك النصيرية, ils ressemblent à هؤلاء. ففي الحقيقة ça ne change rien. S'ils ont ces fondements, on verra que العلماء حكموا عليهم بالكفر. والإسم ça ne change rien. L'essentiel c'est de connaître les fondements du groupe. Mais les noms, ça ne change rien à la réalité de la chose. فمن أصولهم أولا الغلو في الأئمة. Ils exagèrent sur leurs imams. حتى ça les a poussés au shirk بالله عز وجل. قال الكليني في أصول الكافي. الكليني هذا من أئمتهم. Et il a un célèbre livre, الكافي. C'est بمنزلة صحيح البخاري عندنا. C'est leur référence. C'est pour ça qu'on citera beaucoup de ce livre. بابٌ, il a cité un chapitre. إن الأرض كلها للإمام. وعن جعفر الصادق أنه قال. On précise هنا أن الرافضة من أكذب الناس. Toutes ces narrations qui citent, tous ces récits qui citent عن جعفر أو عن علي رضي الله عنه أو عن الحسين أئمة أهل البيت, toutes ces narrations qui citent, c'est du كذب. لأن vous allez voir que c'est du كفر واضح. لكن نحن لي كما كتبه. Donc il faut savoir que quand on entendra Ali رضي الله عنه il rapporte des récits عن علي الآخر, c'est du كذب. باب إن الأرض كلها للإمام. أي la terre entière elle appartient à l'imam. عياذا بالله. كفر والشرك واضح. قال جعفر الصادق أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يصنعها حيث شاء ويدفعها إلى من شاء جائز له ذلك. كفر والشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. فيعتقدون أن الدنيا سبامون الآخرة لودلا سابقتين الإمام. يصنعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء. إذا كيفي بخان كيف من أوصاف رب العالمين عز وجل. قال سبحانه لله ملك السماوات والأرض. هم يبخطون أن هذا الملك سيأه الإمام. وقال عز وجل فلله الآخرة والأولى. الله سبحانه وتعالى dans le Coran الكريم les versets sont clairs, أن tout lui appartient. هم يقولون أن الدنيا والآخرة للإمام. فكفر واضح. يا aucun doute. وجاء في أصول الكافي كذلك عن الإمام محمد الباقر أنه قال نحن أي للإمام نحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده. عياذا بالله. Ils prétendent annahum, c'est eux, wajhullah, c'est eux, l'œil d'Allah, c'est eux qui donnent ar-rahma à qui ils veulent. Iyadam billah. Wa fi nafs al-masdar, ay dans le même livre, an Abi Abdillah, qala, inni la a'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, wa a'lamu ma fi al-jannah wa ma fi an-nar, wa a'lamu ma kana wa ma yakun. Nandrou ala al-kadhib qui ils prétendent que cet imam il a dit. أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Il connaît tout ce qui se passe dans les cieux et dans la terre. من أوصاف الله عز وجل. وأعلم ما في الجنة وما في النار. Et il connaît ce qu'il y a dans le jannah et ce qu'il y a dans le nar. وأعلم ما كان وما يكون. Et il sait tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. عياذا بالله. قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فتأملوا. هؤلاء comme ils contredisent les fondements du din. Al-Iman billah, al-Asma wa al-Sifat. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît l'invisible, c'est lui qui connaît tout. Al-Ammalu, هؤلاء al-Khubatha, qu'est-ce qu'ils propagent dans leurs livres? فالشرك واضح في الربوبية وفي الأسماء والصفات عيدا بالله. هذا الشرك كلار. أما الشرك في العبادة فكثير عند هؤلاء الزنادقة. أما الشرك في العبادة أنهم يزعدون للطم، أنهم يزعدون للمور، أنهم يزعدون للإمام، هذا كثير. لغ الدين يفندي سر هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، منهاج السنة لشيخ الإسلام c'est une référence في الرد على الروافض الشيعة. il est imprimé en plusieurs volumes et plus simple que l'original المختصر. ils l'ont résumé مختصر منهاج السنة. هو يرون أي الروافض الدعاء والعبادة للموتى واتخاذ المساجد على القبور ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك. ils invoquent les morts. بل ils voyagent pour visiter les tombes et invoquer les morts, et ils appellent ce voyage al-hajj. C'est comme un hajj pour eux. Wallahu manasik, il a des rites. Tu dois faire telle chose. Comme quand le musulman, il va au hajj. Baytillah al-haram, fi Mecca. C'est la même chose, hum, lakin, inda al-qubur. Qala, rahmatullah alayhi, wa haddathani thiqat, anna fihim man yarawna al-hajj ilayhim a'azam min al-hajj ila al-bayt al-atiq. Bel ba'duhum, comme il rapporte sur l'islam, ils ont la croyance en visiter les tombes, c'est meilleur que de visiter Mecca ou Al-Madina. Fayrawna al-ishraq billah a'azam min ibadatillah wa hadha a'azam al-iman bil-ta'ghut. Ils disent que visiter les tombes et les shirk, c'est mieux que l'ibadah. La chaque anna ha'oula, c'est des mushrikoun. Wa ja'a fil furu' lil-kulayni an abi abdillah annahu qal ayyuma mu'min. أي نبخت كل مؤمن أتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له 20 حجة. أي celui qui visite la tombe de Hussein parmi les croyants, Allah سبحانه وتعالى lui donne la récompense de 20 حج. Cette رواية كفية الكأف الفروع للكليني المنطق أنهم يفضلون زيارة القبور أي الشرك sur عبادة الله عز وجل الحج. Il y en a pour visiter la tombe de Hussein, c'est mieux que le Hajj 20 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Fasadaqa al-allama al-imam Muhammad ibn Ibrahim al-Shaykh rahmatullah alayhi, حيث قال كما في مجموع فتاويه ورافضة هذه الأزمان مرتدون عبدة أوثان. المفتي سابقا الشيخ محمد ibn Ibrahim al-Shaykh rahmatullah alayhi قال أن الروافض de cette époque, ce que les gens appellent les chiites, les chiites, الروافض, c'est des murtadoun, c'est des apostats, لأنهم ils adorent autre qu'Allah عز وجل, des tombes autres. من أصولهم كذلك الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أو يستغرب هذا, comment هؤلاء ils vont critiquer رسول الله صلى الله عليه وسلم, alors que chaque musulman, quel que soit son niveau في الإيمان, quel que soit son niveau fi al-ilm, il aime le Rasoul alayhi salatu wa salam. Al-Majlisi fi kitabihi Bihar al-Anwar, wa hadha kadhalik c'est min ru'usihim, zindiqun min al-zanadiqa, il a un livre Bihar al-Anwar. Il a cité un chapitre, qala bab tafdhiluhum ay al-a'imma ala al-anbiya wa ala jami' al-khalq. Ay pour eux, al-a'imma, leurs 12 imams, ils sont mieux que l'anbiya, ay jami' al-anbiya wa jami' al-khalq, c'est les meilleurs des créatures. Ta'nun fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent que leurs imams ils sont mieux que le prophète alayhi salatu wa salam. Wa qala imam al-dhalal wa al-shar al-khumayni akhzahu Allah fi kitabihi al-hukumati al-islamiyya إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى الخميني الخبيث إلى ليفغ الحكومة الإسلامية وقال فيه والعلماء كفروه à cause de cette parole et autres. الإمام مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه dans son livre إلحاد الخميني في أرض الحرمين كفره, il l'a fait sortir de l'islam à cause de cette parole et autres. إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب, أي nos imams ils ont une place, هكذا يقول, même les anges qui sont rapprochés d'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas atteint cette place. Wala nabiyun mursal, et aucun nabi, aucun message. فَطَعْنُنْ فِي الرُّسُلِ وَطَعْنُنْ فِي الْمَلَائِكَةِ وَطَعْنُنْ فِي الْأَئِمَّةِ وَقَالَ أَخْزَاهُ اللَّهُ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ لَمْ يَكْمِلُوا مُهِمَّتَهُمْ وَالَّذِي يَكْمِلُ مُهِمَّتَهُ هُوَ الْمَهْدِي طَعْنٌ فِي الرُّسُلِ. Il prétend à l'anbiya et les imams, ils n'ont pas accompli leur mission. C'est grave. Il accuse le prophète Mohammed de ne pas avoir transmis le message convenablement. Et celui qui va remplir sa mission convenablement, c'est le Mahdi. Et le dernier imam qu'ils attendent qui doit sortir. وقال حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ. هذا سان كتاب طيب رسالة un petit livret que هذا الرجل حسين الموسوي il a écrit. وهذا كان من الشيعة الروافض, il faisait partie de الشيعة, ثم تاب إلى الله, il a délaissé هذا المذهب et il a écrit un livre ردا عليهم لله ثم للتاريخ. سان كتاب طيب يفضح القوم et il démontre, il a vécu avec eux, il les connaît, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, كذلك il cite de leur livre des ajaib. Qala dans ce livre ani sayyid ali gharawi ahad kibar ulama ash-shi'a annahu qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la bud an yadkhul farjahu an-nar ayyadan billah ta'nun rubbama ashad min tu'unat al-yahud wan-nasara annahu yafkhita anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la bud qu'il rentre finnar farja, il rentre finnar limada qala li'annahu wati'a ba'd al-mushrikat, li'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il a eu des rapports avec certains mushrikat, yaqsid al-khabith kama qala al-musawi yurid bidhalik zawajahu sallallahu alayhi wa sallam min aisha wa hafsa radiyallahu anhum. Fa pour surafidi al-khabith, et ils sont tous ala hadha al-mabda, أن المغياج du prophète صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع حفصة بغوث جريمة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون كفر عائشة وحفصة. فسدي خبتا وطعنوا في نبي الله أو الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه, كما قال عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا سأمبليك هذا, فالنبي صلى الله عليه وسلم سأفضل البشر, ولا شك أن الله سبحانه وتعالى et lui a facilité le mariage avec Afdal al-Nisa, que ce soit Aisha, Hafsa et toutes les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Fala yat'an fi 'ardhi fi zawjihi alayhi salatu wassalam illa munafiqun zindiqun khabith. Wa dhakara al-Kulayni fi kitabihi al-Kafi an Aisha wa Hafsa kafiratan munafiqatan mukhallidatan fi an-nar, annahu أو يعتقدون هذا أن عائشة وحفصة سبد مسلمة. وقال المجلسي في كتابه حق اليقين قال الإمام محمد الباقر إذا ظهر الإمام المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد انتقاما لفاطمة, انتهى. قال هذا الخبيث يغبط إسد يكذب كانت يغبط عن الأئمة. إذا ظهر الإمام المهدي, أي quand le 12e imam va sortir, il va faire revivre Aïcha, انظروا الخرافات الكفر, il va faire revivre Aïcha ويقيم عليها الحد. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن عائشة l'a fait le ذنب الكبير الزنا عياذ بالله, أن il va la faire revivre ويقيم عليها الحد, il va appliquer la sentence sur elle pour venger Fatima. قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Pourquoi on a cité هذه الطعونات في عائشة وفي حفصة هنا؟ لماذا؟ لأن الطعن فيهن c'est الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. Et on a cité le verset الخبيثات للخبيثين. Celui qui critique les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement il critique le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était marié avec elle. فَلِهَذَا قَالَ إِبْنُ كَثِيرٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ dans son tafsir, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ l'unanimité des savants, رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَاطِبَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّهَا بَعْدَ هَذَا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية celui qui accuse Aïcha d'avoir fait ce ذنب alors que le verset est descendu après que le verset soit descendu لأن الله عز وجل dans ce verset montre أن Aïcha est innocente. Celui qui pense, qui croit à هذا alors que le verset est descendu فإنه كافر لأنه معاند للقرآن c'est un كافر بإجماع أهل العلم l'unanimité des savants أنه c'est un كافر pourquoi لأنه يكذب القرآن il contredit القرآن الكريم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه on cite une parole هنا أن بعضهم قبحهم الله طعنوا في رسول الله en critiquant ces femmes. Bel ta'anu fi. Kadhalik, ba'duhum yat'an fi Jibril, alayhi salam. Hatta Jibril, ma salima min ha'oula. Jibril, cet ange que Allah il aime, que tous les prophètes ils aiment, que le mu'minoun ils aiment, yat'anouna fi. Qala shaykh al-islam, rahmatullah alayhi, amma man iqtarana bis sabbihi da'wa, anna aliyan ilahun, ou annahu kana huwa al-nabi. وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره الخبثاء يزعمون أن جبريل comme c'est cité dans certains de leurs livres بالنص أن جبريل quand il est descendu la première fois il devait descendre pour révéler à Ali رضي الله عنه لكن il est parti voir le prophète محمد صلى الله عليه وسلم et il lui a révélé فلهذا يقولون خان الأمين خان الأمين pour eux جبريل il les a trahis C'est un ta'an chadid, hada. C'est pour ça que Cheikh al-Islam dit il n'y a aucun doute que ha'oula c'est des kafaras, ceux qui ont cette croyance. Et il n'y a aucun doute que celui qui pense que ce n'est pas des kafaras, lui-même c'est un kafir. Il y en a, c'est un kufr ghalid, là. Ce n'est pas des choses simples. Falihada, nous on fait ce genre de durus, hatta al-muslim, il ouvre les yeux, l'anna ila yawmina hada, et tu trouves ba'd al-muslimin, bisabab al-jahl. Et kadalik, l'an, avec les réseaux sociaux, avec internet, yaghtar bi al-shi'a. Ils pensent que c'est des musulmans, ils pensent que le khilaf qu'on a ma'ahum, il est yassir, bal ba'dhum, ils pensent que c'est eux. Al-abtal, al-shuj'an, c'est eux qui sont à la haqq. Fa'ayna hadha al-mu'taqad al-kufri, si t'es un mu'min, tu dois les détester fillah. Et tu dois avoir la conviction, annahum, c'est des kafara. Kadhalik, yat'anouna fi kitabillah, al-Qur'an. Kadhalik, ils critiquent al-Qur'an al-Karim. Ils accusent les sahaba de l'avoir falsifié. قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله سبحانه وتعالى démontre أن ce Coran il est محفوظ. Il ne peut pas être falsifié. Et ça c'est من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة. فما من مسلم ولله الحمد وهو يعظم هذا الكتاب. العوام والعلماء من باب أولى والطلبة العلم والعرب والعجم chaque مؤمن il aime ce Coran et il lui donne de l'importance أما هؤلاء فاسمع ماذا يعتقدون قال حسين الموسوي في لله ثم للتاريخ أثبت أي الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب هذا الخبيث الطبرسي أو الطبرسي ينظر كيف يضبط هذا الاسم إلى إكري أن ليفر فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب إلى إكري أن ليفر pour démontrer que le Coran il a été falsifié قال حسين الموسوي أن جميع علماء الشيعة أي هذا الطبرسي لقد apporté هذا dans son livre أن جميع علماء الشيعة وفقهائهم المتقدمين منهم والمتأخرين يقولون إن هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف il a rapporté l'unanimité des rawafid des shi'a de leurs savants أنهم ils ont cette croyance أن ce Coran qui est répandu الآن dans tous les pays musulmans et que chaque musulman il lit عندهم il a été falsifié قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصارم المسلول وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت إلى أن قال هؤلاء لا خلاف في كفرهم حقيقة un de ces points ça suffit pour détester هؤلاء et avoir la conviction que c'est pas des muslimins c'est des kafara الآن c'est plusieurs fondements وقال أبو حامد الإسفرائيني في كتابه التبصرة في الدين يزعمون أي الرافضة أنه لا اعتماد على الشريعة التي في أيدي المسلمين وينتظرون إماما يسمونه المهدي يخرج يعلمهم الشريعة. Ils ont cette croyance أن القرآن كذلك السنة. Tout ça pour eux c'est falsifié, c'est bâtil. Pourquoi? لأنهم يطعنون في حملة هذا الدين الصحابة رضي الله عنه. Qui c'est qui nous a rapporté tous ces hadiths? C'est les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Qui c'est qui a rassemblé le Coran après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم? Et ce Coran il est arrivé jusqu'à nous. C'est avec les efforts de الصحابة رضي الله عنهم. بإذن الله عز وجل. فهم يطعنون في حملة هذا الدين. C'est pour ça qu'ils ont douté, عياذا بالله, et ils ont mécru la totalité de الشريعة. Et ils ont un مقصدهم. La question qu'on se pose là, pourquoi? اسمع قال ولكن مقصودهم إسقاط تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية. Leur but, مثل اليهود والنصارى. Ils ont combattu leur anbiya, ils ont falsifié leur livre. Pourquoi? لأنهم ils voulaient plus de haram. Ils voulaient que tout soit halal. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ces choses elles deviennent halal? Ils ont dit tous ces sources, le Coran ou le Sunna, c'est faux. لأن الصحابة pour eux c'est des menteurs. صلى الله عليه وسلم. فلهذا الآن ils se permettent des choses. صلى الله عليه وسلم. De ma'asi, bel du kufr, wa fujur, wa fisq. Et on va citer des exemples. Inch'Allah. ويعتذرون عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من عند الصحابة. Et pour montrer à leurs suiveurs, العوام. Il y en a des choses, c'est très grave. Pour leur montrer que c'est permis. Ils accusent les Sahaba et ils disent que le Coran ils l'ont falsifié. As-Sunna c'est un mensonge pour eux. Falihada, ils autorisent ce qu'ils veulent et ils interdisent ce qu'ils veulent. Fata'anu fi kitabillah wa ankaru kathiran min sunnati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fa'attalu jami' shari'atillah azza. Ta'anu fi kitabillah, le Coran ils pensent qu'il a été falsifié. Sunna ils la rejettent. Pourquoi? Parce que les rapporteurs pour eux c'est des menteurs. فَعَطَّلُوا جَمِيعَ الشَّرِيعَ. Ils vont se baser sur quoi l'un pour appliquer le din? Sur les rêves, sur des récits, des mensonges, et ils suivent leurs imams aveuglément. فَانْحَرَفُوا وَخَرَجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ. Tu comprends l'un pourquoi الْخُبَثَ يَطْعَنُونَ فِي حَمَلَةِ هَذَا الدِّينِ الْحَنِيفِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. Et c'est le quatrième fondement, al-ta'nu fi al-sahaba, radiyallahu anhu. Arawa al-kashi, an Abi Ja'far, annahu qal, kana al-nasu ahlu riddatin ba'da al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam illa thalatha. Yaqul hadha al-khabith, anna, aw, na'am, il rapporte hadha al-khabith, on a déjà dit anna al-a'imma, a'imma tahl al-bayt, ils sont très loin de hadha wa lillahi al-hamd, lakin ha'ula kathaboun. هذا الخبيث يرابورت أن الناس أهل ردة après le prophète صلى الله عليه وسلم tout le monde est sorti de l'islam sauf trois personnes. قال المقداد ابن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. Et dans d'autres روايات il cite d'autres. المهم أنهم يعتقدون أن tous ceux qui étaient à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى أرضى أو رضي عن هؤلاء. هم يديد كتوس ceux-là ils sont sortis de l'islam sauf trois. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بدعة عشرة. Ça ne dépasse pas 10 pour eux. Dans cette riwaya, ils ont cité 3. Dans un autre de leurs hadiths mensongers, ils ont cité Ali, ou Al-Hussein, ou Al-Hassan. Mouhim, si tu rassembles toutes les riwayas, ils n'ont pas dépassé 10. Et tous les compagnons sont sortis de l'islam, sauf 10. Fashikhul Islam, yaqul, celui qui a cette croyance, fahada la raybun aydan fi kufri. Hada kadalik, y'a aucun doute fi kufri. Limada? Li'annahu yat'an fi l'islam. Ta'anun fi l'islam. Wa ta'anun fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Haqiqa, c'est une accusation contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Léanaou, il était entouré de ha'oula. Et il était marié avec leur fille. Fa'arrafri, fil haqiqa, il est ba'id an l'islam. La yagtarru bihi illa jahl. Wahad qui n'a pas étudié et qui pense que l'islam, ça se divise en deux groupes, les sunnites, les chiites, et il ne connaît pas grand-chose de son din, une simple recherche, ça apparaît clairement anna al-qawm, c'est des kafara, munafiqun. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam حيث قال آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال في هذا الحديث le signe ou une chose par laquelle tu reconnaîtras le mu'min, c'est son amour envers l'ansar. Et ce qu'ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les habitants de Médine. Et parmi les caractéristiques des hypocrites, le fait de détester l'ansar. فَمَا بَالُكَ بِالَّذِينَ يُبْغِضُونَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ comme الروافض. لا شك أنهم c'est des منافقون. وقال حسين الموسوي في لله ثم للتاريخ ولهذا ورد في دعاء صنمي قريش. Ils ont un دعاء que كثير منهم يغبت خاصة في الصباح. ماذا يقولون اللهم العن صنمي قريش أي les deux idoles de قريش ويريدون بهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال وطاغوتيهما وابنتيهما les deux filles كذلك يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهن قال حسين الموسوي وهذا الدعاء منصوص عليه في الكتب المعتبرة أي عند الشيعة leur livre de référence il y a ce دعاء comme nous المسلم السني المسلمون أهل السنة on a des livres في الأذكار أذكار الصباح والمساء avec des دعاء أدعية أذكار طيبة فهم ils ont مثل هذا الكفر وهذه الخرافات dans leur livre. وكان الإمام الخميني يقوله بعد صلاة الصبح كل يوم chaque matin الخبيث المجرم il disait هذا الدعاء. الآن si on se pose la question que dire de ceux qui sont venus après الصحابة que dire du musulman un musulman ordinaire الآن à notre époque qu'est-ce qu'ils vont dire sur lui الروافض الرسول il ne le respecte pas بل يطعنون فيه وفي أهله وفي أصحابه les compagnons ils ne le respectent pas يطعنون فيهم Abu Bakr ou Omar, ils les insultent. Enfin, qu'est-ce qu'on va dire de nous, des musulmans de notre époque ? Ja'avi al-Anwar al-Nu'maniya, c'est une référence kadalik inda al-Shi'a, al-Rawafid, an Daoud, ibn Farqad, qala qultu li Abi Abdillah, ma taqoul fi qatl al-Nasib ? Al-Nasib, il-jam'a senawasib, al-Rawafid, ils appellent al-Muslimoun, ahl al-Sunnah, et tous ceux qui ne sont pas من الروافض من الشيعة إلى زاب النواصب فماذا تقول في الناصب أي في المسلم قال حلال الدم فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه بماء لكي لا يشهد عليك ففعل فبغو السني المسلم إلى حلال الدم أي تلدغو دلتش حتى قال حتى نعم في هذه الرواية si tu peux le noyer ou faire tomber un mur sur lui, al-muhim, si tu peux le tuer et il témoigne pas contre toi, personne te voit, fa'fa'al. Wa'allaqa ala hadhihi al-riwaya al-makdhuba al-dajjal al-khumayni, faqal, al-imam al-khumayni al-khabith, il a dans un de ses livres, il a cité cette riwaya et cette narration, et il a rajouté, il a cité une note, fa'in istata'ta an ta'khudh malahu fa'khudhu wab'ath ilayna al-khumus. Et si tu peux lui prendre ses biens, son argent, fais-le et envoie-nous al-khumus, ay un cinquième. Regarde, al-buldan ou qu'il y a des rawafid, comme l'Irak ou la Syrie, les musulmans, ils subissent beaucoup de tort à cause de haoula al-khubatha. Parce qu'ils ont une aqida que ce musulman est halal al-dam. Et tu trouveras un rafid, il fera du mal à un musulman, il ne fera pas de mal à un yahoudi. Lemada li shiddat bughdihi ala al-islam ou al-muslimin. Depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont hérités, jil ba'd jil, هذا الكفر وهذا الشر. من أصولهم كذلك المتعة. والمتعة c'est الزواج المؤقت. Le mariage temporaire. أما عند المسلمين فالمغياج il a besoin d'un ولي. كذلك des témoins. كذلك un عقد. Un مهر. Et si ce musulman il veut divorcer il y a des conditions qui sont détaillées fi kutub al-muslimin kutub al-fuqaha amma al-mut'a c'est un mariage mu'aqqad temporaire il se marie quand il veut et il la délaisse quand il veut sans aucune condition لا ولي ولا مهر ولا شهود ولا شيء. Ils ont ouvert un باب شر. في الحقيقة سي زنا واضح. Ils ont ouvert على أنفسهم هذا الباب. Et ils ont un hadith في هذا موضوع مكذوب. Ils le rapportent. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد كذب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. فهي رابورت أنه قال من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة 70 مرة. Celui qui fait هذا الإجرام زنا واضح c'est comme s'il avait visité la Kaaba 70 fois. وقال شيخهم الحر العاملي هذا من كبارهم في وسائل الشيعة لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية. C'est من الضروريات عندهم. C'est parmi les choses essentielles. لماذا؟ لأنهم سدي فجر. لأنهم سدي فسقة. ملاحدة. Ils ont plus de barrières, plus de limites. أما مسلم, même s'il a des faiblesses, il a des limites. أما هؤلاء, on va citer une histoire pour prouver هذا. قال حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ. Il rapporte une histoire أن امرأة جاءته et elle avait une question à lui poser. À une chose qui lui est arrivée. أن أحد السادة قالت وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة. هذا الرافضي الخبيث حسين الصدر إلى في المتعة تمتع إلى في الزنا بهذه المرأة. Ça remonte à une vingtaine d'années à l'époque où elle a raconté cette histoire. فحملت منه ثم فارقها. Elle est tombée enceinte ثم فارقها ثم il l'a délaissé. هكذا زواج المتعة. Quand il profite de cette femme ثم il l'a délaissé, il va voir une autre. وبعد مدة رزقت ببنت. Après un certain moment, quand elle est tombée enceinte, elle a accouché d'une fille. فهذه البنت quelques années plus tard c'est devenu شاب امرأة. فكذلك cette fille تمتع بها رجل. أساس من عادتهم في إيران دولة النفاق والإلحاد هذا سي أبيتوال عندهم. فهذه البنت مرة elle est rentrée chez elle et sa mère l'a su qu'elle était enceinte. Et sa mère c'est la femme qu'on a citée au début. Enfin, sa propre fille elle est tombée enceinte des années après. قالت فاكتشفت الأم أن ابنتها حبلى أي حملت. Elle est tombée enceinte sa fille. فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه. Quand sa mère lui a demandé pourquoi elle est tombée enceinte, elle lui a démontré أن فلان il a fait le mut'a. Et elle lui a dit que c'est السيد حسين الصدر أي celui qui avait fait le mut'a تمتع بأمها. فقالت فدهشت الأم وفقدت صوابها إذ أخبرت البنت أن هذا السيد هو أبوها. فلا مير على prévenu sa fille أن هذا الرجل الذي تمتع بها سي سون بير. صلى الله عليه. مجرمون مجرمون tu trouveras pas فسوق وإجرام وإباحية كم tu le trouves عند الروافض. والله أكثر من ما يفعله الملاحدة من اليهود والنصارى. في اللي تخوف عند هؤلاء الشد. لماذا؟ لأنهم انسلخوا من الدين بقوة. On a rapporté l'histoire بالتصرف يسير. أي en résumé. بل الأنجاس الأرجاس أباحوا المتعة بالجارية الصغيرة. حتى avec les filles. Ils ont autorisé المتعة حتى avec les filles. ففي الفروع للكليني والتهذيب للطوسي أنه قيل لأبي عبد الله ils ont demandé à أبو عبد الله الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل هل يتمتع بها الرجل est-ce que c'est permis de المتعة avec une fille. فقال نعم إلا أن تكون الصبية تخدع. Il a répondu نعم c'est permis sauf si c'est une fille تخدع. Ils lui ont demandé وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع. Ils lui ont demandé la limite d'âge. فقال 10 سنين. À partir de 10 ans, فسي مباح. نعوذ بالله. بل بعضهم كما نقل حسين الموسوي dans son livre قال بالجواز دون هذا السن. حتى بعض أئمتهم الزنادقة ils ont dit c'est permis hatta en dessous de 10 ans. Ou al-Mousawi, il rapporte كذلك dans son livre Lillah thumma litarikh qissa ajiba avec Imam al-Kufr wa al-Dhalal al-Khumayni. Une histoire li anna hada al-Mousawi il était très proche de al-Khumayni. Il voyageait avec lui et il se connaissait personnellement. Thumma wallahi alhamd il a fait tawba, il a écrit ce livre fadhaha fi. Il rapporte ils ont été invités marra quand ils étaient fil Irak, ils étaient encore en Irak à cette époque. Et il a été invité marra ma'a al-Khumayni chez un chi'i rafidi. فأبصر الخميني صبية بعمر أربع سنوات. فالخبيث il avait une petite fille de 4 ans, fil bait. أو خمس أو 5 ans. ولكنها جميلة جدا. فطلب الإمام من أبيها إحضارها ليتمتع بها. فالخبيث il a demandé au père de la fille est-ce qu'il peut يتمتع بها. انظروا على السؤال. وأعجب منها, c'est la réponse du père. فقال فوافق أبوها بفرح بالغ. Pas de dîn et pas d'aql هؤلاء. حتى le père فرح بهذا. أنه يبص فيلا إلى الهلكة يفرح. قال فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه أي جانبه. Il a passé la nuit avec cette petite fille de 4 ou 5 ans ونحن نسمع بكاءها وصريخها. Et Hussein, il entendait cette petite fille pleurer. Et c'est une des causes. Annahu, il a compris que ce n'est pas un dîn correct. Ce n'est pas dîn al-muslimin. Hatta la fitra, elle refuse. Le lendemain matin, al-Khumayni, il a vu que Hussein al-Mousawi, il n'était pas d'accord. Il a vu que son visage, il n'était pas content de ce qui s'est passé. Enfin, il lui a demandé. Al-Khumayni, il a demandé à al-Mousawi, qu'est-ce que tu penses, ma'a tifla ila akhire? Hussein al-Mousawi, il n'a pas pu le contredire à cette époque. Et le Khomeini, il a été clair, il a dit, na'am, c'est permis. Bel al-Khabith, il a dit, hatta bil radi'a, hatta le nourrisson qui allait, c'est permis. Lakin sans avoir de rapport. Sallallahu alayhi wa sallam. Khubatha mujrimou. Andr, kitab, lillah, thumma littarikh. Et, haqiqa, citer ce genre d'histoire, c'est pas ça, il y en a 5 là, mais il y a des histoires pires. Lakin, on peut pas les citer fi mithl hadhihi al-majalis, les tellement que c'est qabih. Lakin, nahnu cite hadha lil muslimin pour qu'ils s'aperçoivent an al-qawm c'est des mujrimin, c'est des zanadiqa, ils ont rien à voir avec l'islam. Wa ba'dhum, comme il rapporte كذلك al-Mousawi dans son livre, annahum abahu al-mut'a bil-rajul, un homme avec un homme, sallallahu alayhi wa sallam. فيقول أن شابا كان مغتربا في لندن جن شيعي رافضي كأنه il est parti d'Iran et il avait des études ou un travail à Londres en Angleterre وأراد أن يتمتع بامرأة فما وجد. Il voulait pratiquer المتعة et il n'a pas trouvé لأنه il n'était pas dans son pays. فأفتاه, il a demandé à un de ses مشايخ من الروافض, il lui a posé la question comment faire. فأفتاه أحد مشايخ الرافضة فقال أذكر أني قرأت رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام إذا جاءه رجل, جاءه رجل يسافر كثيرا ويعتذر عليه استصحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه. Il se rappelle soi-disant هذا, c'est du كذب. لأن حسين الموسوي il a fait des recherches dans les livres de الشيعة, il a jamais trouvé هذا. لكن ce chir, il a inventé un hadith sur le champ. Hakada ils sont, c'est des kadaba. Ils sont prêts à tout pour propager ce madhab khabi. Il a inventé cette histoire. On a Ja'far al-Sadiq, il a dit si une personne elle se retrouve dans un bilad et ne peut pas faire le mut'a, il n'a pas pu emmener sa femme avec lui et muhim, il ne trouve plus comment faire. Qala idha talabika as-safar fa'alayka bin nakh al-dhakr. Et si le voyage est trop long, tu as droit de faire le mut'a avec un homme. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Comme قال عز وجل عن الكفر. Ils n'ont pas de dîn, ils n'ont pas de cœur et ils n'ont pas de raison. Fahum la ya'qilun. Pour atteindre ce niveau, fa na'oudu billah min al-fitan. Fa hadha huwa ad-din ash-shi'a ar-rawafid. Ta'nun wa sabbun wa kufrun wa kadhibun wa fujur. Akhzahum Allah. C'est ça leur dîn. Des mensonges, des accusations, des insultes et fisq wa fujur. Tout ça sous le nom Al-Fisq Al-Fujur, Al-Mut'a. Et ils ont inventé des hadiths pour montrer que c'était permis. Et Al-Haqiqa, c'est Ashad min al-Zina. Les Al-Naoum, ils sont arrivés à un niveau Hatta bi al-Rijal. Ayyadun billah. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه كما في منهاج السنة فإنهم يعني الرافضة لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم صحيح c'est les gens les plus éloignés de الفطرة السليمة de l'Iman des bons comportements de la pudeur. Et on a cité des récits de leurs propres livres. Et en fait, je ne vous ai pas cité le Mujallad, le volume et la page que j'ai écrit. On rajoute, ou c'est un mensonge, ou c'est exagéré. Là, c'est Fikotobihim. Et nous, on étudie ces groupes par rapport à leurs références, leurs livres à eux, pas par rapport au on dit. Là, Min Osulihim. Et c'est le dernier, At-Taqiyya. Pourquoi on a cité Hada à la fin? أولا التقية كما عرفها شيخهم المفيد c'est un de leurs imams un de leurs شيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق قال كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه وكتمان المخالفين والترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا أو الدين التقية c'est le fait de cacher ne pas faire apparaître son madhab, son din, ses pensées, les annas, ça peut leur faire du mal. Et c'est, tu veux résumer tout cela en un mot, c'est al-nifaq. Fahum, c'est min usulihim. Fahmatalana rafidhi. S'il se déplace dans un balad muslim, il n'insultera jamais Aïcha. Bel, si tu le demandes sur Aïcha, il va te dire, na'am, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, yutni alayha, min bab at-taqiyya. Pourquoi les annahum, ils savent très bien, annahum, si, et montrent leur véritable croyance, c'est pour ça ne crois jamais un rafidhi. C'est pour ça qu'on a cité ce point à la fin, et tous ces usul qu'on a cités, ces fondements, si un rafidhi tu l'entends dire c'est pas vrai, c'est min bab at-taqiyya. Wa jaa fi usul al-kafi lil-kulayni an abi abdillah annahu qala inna tis'ata a'shar ad-din fi at-taqiyya ولا دين لمن لا تقية له 90% de din c'est taqiyya عندهم et celui qui a pas de taqiyya et du nifaq de l'hypocrisie il a pas de din فالرافضة sont مبدأهم اللي على هذا التقية فهذه أصول القوم en résumé et في الحقيقة il y a des autres points لكن الوقت ضيق et نحن le but c'est de faire ce de résumer cette secte en un cours. Hatta c'est plus simple. Wa illa fil haqiqa une série de cours fi haoula ça serait plus approprié pour détailler inharafuhum. Lakin ma dhakarna insha Allah fihi khair wa kifaya. Baqiya min ru'usihim fi hada az-zaman an ar-rawafid sont très propagés fi zamanina khassatan dans certains pays. Wa min ru'usihim parmi leurs leaders à notre époque al-Khomeini. الدجال الكافر سان كافر كفروه العلماء ايون سيتي سيرتين دو سي باول وكذلك دوله ايران ليران سي ان بيي كي بروباج بوكو سو فكر فسو بيي لا ايتي فوندي سور هذا افيك لا ريفولوسيون ديال الخميني اي الان سي دوله الرفض والنفاق فلا يجوز لمسلم ان يغتر بهؤلاء للاسف بعض المسلمين الان يبونس كو سو بيي إيران أنهم سهم المسلمون حقيقة لماذا لأنهم ils ont des problèmes avec les يهود et ils veulent combattre les يهود et tout ça c'est du كذب والله leur but et on va citer des paroles pour conclure إن شاء الله أن leur but c'est الطعن في الإسلام والمسلمين أن دولة اليهود elle a aucune crainte par rapport à Iran et tout ce que les médias propagent c'est du كذب et on va lire pourquoi كذلك من رؤوسهم حسن نصر الله الخبيث الليدر الشيف دو حزب الله في لبنان ويلقب بخميني العرب هذا كذلك سان دجال سان مجرم يطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سان رافضي سان ناصر الشيطان اي سي با حسن نصر الله في شيء الخبيث كذلك ياسر الحبيب المجرم الزنديق il est connu sur internet, il a des vidéos الخبيث يطعن في عائشة دائما وفي أبي بكر وفي عمر وفي جميع الصحابة إلا القليل رافضي قح قاتله الله كذلك عدنان إبراهيم il est connu كذلك sur internet وهذا il fait apparaître أنه c'est un sunni il fait apparaître أنه il veut rassembler الشيعة والسنة et il est أقرب من الروافض هذا المجرم ويطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم on doit connaître مثل هؤلاء et mettre en garde لأن بعض المسلمين مساكين ils rentrent sur internet et ils lisent et ils écoutent et ils regardent ربما des vidéos ou des écrits de هؤلاء وهو ما يدري الخاتمة on conclut أن إذا عرفت أصول هذه الفرقة المارقة الملعونة فلا تغتر أخي في الله بدعوى الكفار ومن تأثر بهم أن الإسلام ينقسم إلى فرقتين كذلك هذا سمين حرب الكفار ils savent très bien بعضهم أن الروافض c'est incompatible avec l'islam et ça n'a rien à voir c'est deux dînes différents l'islam c'est dînes الحق et الرافضة c'est des مشركون لكن vous avez remarqué que depuis qu'on est petit خاصة في بلاد الكفر أنهم دائما quand ils présentent l'islam la première chose par laquelle ils commencent أن l'islam ça se divise en deux les sunnites et les chiites et هذا c'est du كذب لا الإسلام دين الله il est واحد il a des fondements il a des arcanes et الرافضة ça n'a rien à voir avec l'islam et نحن on a étudié ولله الحمد leur fondement de leur propre livre فاحذروا من هذا لأن بعض المسلمين الآن ils ont cette croyance est-ce que tu es un musulman chiite ou sunnite Et pour eux, il y a quelques différences. فقط. أما نحن on a vu أن لا, ça contredit l'islam بالكلية. فلهذا قال أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه الفصل. فإن الروافض ليس من المسلمين وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. هكذا الأئمة. Ils connaissent cette فرقة. Ils ont étudié leur fondement. Ils connaissent l'islam. Comment tu vas rassembler deux choses différentes Abadan. Wallahi, rassembler al-Rafidah ma'a al-Yahoud, na'am, c'est aqrab. Amma les rassembler avec l'islam, abadan. Faqala rahmatullah alayhi, laysu min al-muslimin. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Un muslim, il va critiquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un muslim, il va croire que le Coran il est falsifié. Un muslim, il va insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un muslim, il va critiquer les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أي إسلام هذا؟ ça c'est pas إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام السمعاني رحمة الله عليه في مرقاة المفاتيح الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة فهم كفر بالإجماع فلا نزاع. il rapporte l'unanimité des savants de l'islam أن الروافض qui insultent et qu'ils ont fait sortir les compagnons de l'islam, c'est des kafara. Il n'y a aucun khilaf à ça. Lakin, بعض المسلمين ما يدرون عن هذا شيء. Ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'on leur montre à la télé, on leur a appris à l'école, أن les musulmans, ça se divise en deux groupes, sunnites, chiites. Là, t'es un musulman, apprends ton din. T'es un musulman, fais des efforts. حتى tu connais les fondements de ta religion et tu vas comprendre ceux qui la contredisent. لأن en tant que mu'min tu dois aimer في الله et détester في الله est-ce que tu vas aimer واحد qui insulte les femmes de ton prophète عليه الصلاة والسلام ou les compagnons de ton prophète صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم انظروا le niveau qu'on a atteint حتى tu trouves un كثير من المسلمين avec les événements politiques qui se passent tu le trouves يبغض المملكة العربية السعودية بلاد السنة والتوحيد alors qu'il donne de l'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tawhid, aux compagnons, et tout ce qu'ils ont fait fait Mecca ou al-Medina, et tout ce khayr, et ils ne sont pas infaillibles. Lakin c'est dawlat al-tawhid, on les aime fillah. Et les choses qui ne vont pas, on fait du haï, celui qui peut arranger, conseiller, yatafaddal, tu les trouves, yata'anoun fi hada al-balad al-tayyib, et tu les trouves, yu'azzimoun Iran, dawlat al-kufr ou al-nifaq. Pourquoi? Wallahi connaître ses fondements, si c'est des musulmans, abadan, ils penseraient tout ce bien sur l'Iran. Lakin al-jahl, Et les gens, vous avez remarqué, ils ont une conception des choses, pas avec l'étude des fondements. Al-usul, et en revenant au livre, revenant à kalam ahl al-ilm, là, conception des choses avec les informations, ce qu'ils voient à la télé. Et tout ça, la plupart, c'est du kadhib. Et tous ces événements politiques et tout ce harb contre les Yahoud, c'est du kadhib. Wallahi, leur but, c'est at-ta'n fil islam ou al-muslimin. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, faqad urifa min mualatihim lil Yahoud wal Nasara wal Mushrikin wa mu'awanatihim ala qital al-muslimin ma ya'rifu al-khas wal-an. Depuis l'époque de Sheikh al-Islam, belle depuis l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum, et al-Rafida, ils se mettent avec les ennemis de l'Islam contre les musulmans. Et tu trouves l'un, بعض al-jahla, certaines personnes qui ne donnent pas du temps au ilm et qui ne reviennent pas à Ahl al-ilm, ils pensent que Dawlat al-Nifaq, Iran, elle veut attaquer les Yahoud et tout ça pour soutenir l'islam, les musulmans. C'est du kadib. Il ne faut pas qu'on atteigne ce niveau de jahl. قال شيخ الإسلام حتى قيل إنه ما اقتتل يهودي ومسلم ولا مشرك ومسلم إلا كان الرافض مع اليهود والنصراني والمشرك. شيخ الإسلام قال quand il y a un combat entre un muslim, des musulmans et les yahoud ou musulmans et mushrikoun, tu trouveras toujours rafidi se met avec l'ennemi contre le muslim دائما. Et شيخ الإسلام il rapporte avec des récits authentiques Al-Khubatha, à son époque, Fisham, en Syrie, ils se sont mis contre les musulmans avec les Tatars. Ah, c'est marouf. Ben, hum, makkanou, les Tatars, et ils sont rentrés fil l'Irak ou Fisham, et ils ont tué des milliers de musulmans, et ils ont brûlé beaucoup d'ouvrages de musulmans. Man makkana haoula al-kafara, al-rawafid. Et tout ce que tu vois l'un, que ce soit via Afghanistan, fil l'Irak, tous ces pays, fil Syrie, al-kufar, ils sont rentrés, wallahi, illa quand al-rafida, ils leur ont ouvert les portes. هذا فالإنسان لا يغتر لا يغتر الإنسان ولله الحمد إلى عقل إلى دين إلى savants. Il revient à أهل العلم et il pose ses questions et il apprend son din. Celui qui a un minimum de connaissances, il va comprendre. قال حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ. Et on conclut avec هذا في جلسة خاصة مع الإمام الخميني, une assise avec l'imam الخميني. قلنا لكم أن هذا الرجل اللي تبخش دل الخميني avant qu'il fasse توبة. فقال لي أي الخميني اللي بعدي سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم. أي الخميني اللي بعدي le temps il est venu qu'on applique la وصايا, أي ce qui nous ont conseillé nos imams, il faut qu'on passe à l'action. قال سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. النواصب c'est أهل السنة المسلمون, أي on doit tuer leurs enfants et épargner leurs femmes, حتى ils profitent de leurs femmes et ils tuent les garçons. قال ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت. Et leurs biens on les prend pour أهل البيت, أي pour الشيعة. وسنمحو مكة والمدينة من على وجه الأرض. انظروا على أمنية شيطانية, أي on va effacer مكة et المدينة de la carte. لماذا؟ alors que c'est مدينة الرسول, مكة c'est la ville de الرسول où il est né, مدينة c'est la ville où il a fait الهجرة. لماذا هذا البعد؟ قال لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين. في الحقيقة c'est معقل نعم المسلمين. قال ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة. Il veut remplacer Mecca et Médine, qui sont le centre. Mecca c'est la qibla, qibla des musulmans. Tous les musulmans, ils aiment Mecca ou Médina et ils se dirigent en direction de Mecca pendant le salat et ils font le hajj à Mecca et ils visitent le Médina. Fahou, ils vont enlever tout ça et remplacer par Karbala en Irak, أرض الشيعة. قال قبلة للناس في الصلاة وسنحقق حلم الأئمة عليهم السلام لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. ثم قال à la fin الخبيث أن ils ont fait beaucoup d'efforts pour avoir un pays et ils l'ont eu, أي l'Iran, Iran. فالآن قال il manque plus que التنفيذ, أي de passer à l'action. أخزاهم الله. ف الدعوة التقرب أي se rassembler entre الشيعة والسنة comme ils appellent certains c'est من أبطل الأباطل. Comment rassembler l'Iman والكفر التوحيد والشرك محبة الصحابة وبغض الصحابة. Comment rassembler tout ça, deux contraires. بل كبيرهم نعمة الله الجزائري dans son livre Al-Anwar al-Nu'maniya قال إنا لا نجتمع معهم أي أهل السنة. On se rassemblera jamais avec Ahl al-Sunnah. Pourquoi? قال على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. قال On se rassemblera jamais avec Ahl al-Sunnah al-Muslimun. Pourquoi? لأنهم يبخطنت que Allah son prophète c'est le prophète Muhammad et le khalifa du prophète Muhammad c'est Abu Bakr. فقال ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بهذا النبي نعوذ بالله. وهو يدي نحن on dit pas que c'est notre رب et notre نبي أي ce نبي que son compagnon c'est Abu Bakr. Donc nous on n'a pas le même رب et le même نبي que هؤلاء qui disent que Abu Bakr c'est le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام. فحقيقة حكم على نفسه بالكفر وعلى الروافض بالكفر لأنهم يصنعون على هذا. قال بل نقول إن الرب الذي خليفته نبيه خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. أي celui qui dit que Abu Bakr c'est le compagnon du prophète Muhammad. فقال nous on pense que c'est pas notre prophète et c'est pas notre رب. Alors que c'est le حق. Abu Bakr c'est le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام. أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام ورضي الله عنه. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وعباده المؤمنين ونسأله عز وجل أن يدمر الروافض وأعوانهم أينما كانوا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.